Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Des antithèses. Juste un gamer. Shadow QC. Arcade Rétro. Pour le podcast des Acros, nous sommes l'édition du 21 janvier 2014. Salut tout le monde, comment ça va? Wow. Bien. Super. Très bien. Quoi de neuf de votre côté? Je vais commencer avec antithèse. Quoi de neuf de ton côté? Ah, oh, écoute, je m'apprête à finir dans les prochains jours The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Je prends mon temps et j'ai beaucoup de fun. Sinon, écoute, j'ai recommencé à jouer à Mega Man 10. J'ai mis okay. 10. Puis après, à part de ça, de la série Enterprise Super Hero Ogre. Qu'est-ce que c'est Super Hero Ogre? Ben, c'est un petit jeu à 2 piastres que tu peux télécharger sur pour ta 3DS. Qui, juste un petit jeu de combat ben, difficile, mais ben fun. Quand tu dis jeu de combat, c'est quoi? C'est un jeu un beat'em all ou c'est un jeu de baston? C'est un beat'em all, mais c'est un beat'em all que tu as, tu sais, dans le fond, tu as l'équivalence de deux écrans, mais tu as quand même des variantes d'ennemis dans le sens qu'ils ont tous des AI différents. Faut que tu penses que contextuellement, tu sais, c'est un jeu un peu style Sentai. Tu penses Power Rangers, puis tout ce qui est Sentai, là, les soldats ont le même costume, juste une couleur différente, fait que c'est ça. Comme ça, là, Sentai comme ça. À peu près, tu sais, mais... Ouais. Excellent jeu. Juste un gamer, ton côté, quoi de neuf? Écoute, t'as le travail, comme d'habitude, puis j'ai joué pour la première fois de ma vie à Yoshi's Cookie. C'est cool! Puis, oui, je suis très d'avis que c'est très cool comme jeu puzzle. Je suis assez impressionné. C'est ça. Puis, j'ai fait un tour chez la boutique de jeux rétro Réo. Oh oui! Encore. Ouais. Encore et encore. Et j'ai tourné de quoi dans son magasin pour un prochain vidéo que je vais montrer en mars. C'est cool. Génial. Écoute, je pense que même nous autres, on va aller faire un tour la prochaine fois qu'on va descendre à Québec. Peut-être pour le Geekfest de Québec, là. Mais j'aimerais bien aller faire un tour. Ben, j'aimerais ça. C'est quand même déjà le Geekfest de Québec? C'est pas en fin avril, je crois. Je vais envoyer un petit message à JP Cardin, des fois, qu'il serait capable de me mettre en contact avec notre gang de Québec. Ben oui. Du Geekfest, ça serait vraiment cool. Et peut-être que les petits Montréalais vont descendre à la Bombeville. Shadow, de ton côté, quoi de neuf? Ah, ben des nouveaux jeux. J'ai retombé dans un nouveau mode de jeu survival. J'ai retombé un peu dans Minecraft pour me remettre aux sources avec aussi le nouveau jeu Rust, pour ceux qui en ont entendu parler. Ouais. Un jeu assez dur, mais c'est assez accrocheur. Il y avait un autre jeu du même style, Seven Day to Die. Un autre style DZ, on pourrait dire, mais un petit peu moins cher, un petit peu moins bon, on pourrait dire, pour celui-là. Ça fait que il y a bien des vidéos qui vont s'en venir là-dessus, ça, c'est sûr. Cool. Arcade de ton côté, quoi de neuf? Oui, je me suis tapé tous les Rocky en rafale, un après l'autre. Ah, ouais. Du training montage! Oui, Mickey! Puis je vous confirme que le 5, c'est vraiment le plus poche, là. Avec Tommy Gunn, avec le... Ouais, pas de combat de boxe, le combat Gunn de rue du UFC à marde. Non, c'était tu assez... Tu sais quoi? Mon ring est dehors. Mon ring est dehors. Ah non, oublie ça, là. Il n'y a pas de combat de... S'il met pas des gants de boxe, c'est pas un Rocky, même. Ah ouais, mais là c'était même plus ça, c'était comme du vieux hip-hop de Vanilla Ice là, qui jouait comme soundtrack, fait que c'était ailleurs. La toune de the street, did my time, took my chances. Oh my god. Yeah, Banner Saga. Justement, le petit hands-on, je suis vraiment surpris, je ne sais pas si revenir là-dessus un petit peu plus tard dans le podcast, mais j'ai eu bien du fun, je te dirais, vraiment. C'est cool. De mon côté, je me suis tapé du Mario cette semaine, j'ai fini le Mario New Super Mario Bros. U. Je l'ai fini. Oh my god, ça fait que t'as quand même joué pas mal. Relativement, mais il est facile. Comparé à bien des jeux... Ah ouais? Ouais, je le trouve très facile comparé à certains certains jeux que j'ai joués puis que de Mario, je le trouve très facile. Écoute, je pense que je m'en suis sorti avec 60 vies à la fin, tellement que ça était une joke. Mais est-ce que tu as essayé l'expérience de jouer sur ton touchpad tout ça pendant que mettons tu fais écouter la télévision? Ouais, j'ai eu la chance de faire les deux. J'ai joué dans mon lit, puis nice. C'est correct, là. L'écran est belle. C'est sûr que ça rend pas hommage avec une télé HD 1080p, là. Mais ça fait... on se rend compte vraiment que le jeu est beau. Fait que... Mais c'est quand même un bon jeu, finalement. Cool. Fait que j'ai principalement fait ça. J'ai même pas touché ma 3DS. Puis j'ai reçu des jeux de Genesis. J'ai même pas touché encore. Fait que j'ai pas mal de choses à faire prochainement. Mais on a également nos fans qui ont fait beaucoup de choses et on va aller voir sur le chat qu'est-ce qu'ils ont fait récemment. Tout d'abord, on a Video Game Archivist qui dit il nous remercie de faire parler de lui. Ben oui, ça fait plaisir. Écoute, entre YouTubers, on s'entraide. On a Mike Diamond qui dit je joue à Hearthstone en vous écoutant. Nice! Oh. Et Lloyd qui nous dit on vous salue depuis la Tunisie. Ça, oh wow! Cool. Oh wow! Il est quelle heure en Tunisie présentement? Il est 4h du matin? À peu près. C'est vite là? C'est 6 heures de décalage avec la France, fait que ça doit être proche de ça là. Il se couche très tard ou il se lève très tôt? Ça se peut. Ouais! Ok, s'il y a 6 heures avec la France, puis la France a 6 heures avec nous autres, 12 heures de décalage. Oh! Non! Shadow. Ouais. Ok, pour ça, je te mets en punition 2 secondes. Objection! Objection! Hey, commence pas ça, toi, là! Hey! Je frappe même sur mon bureau juste pour faire plus imposant. Ouais, mais t'es quand même à la Chine encore. En vrai, de la Chine, pas pareil. Et puis là, dans les dents. On a parti des nouvelles, parce qu'on a beaucoup de nouvelles cette semaine. Est-ce que je te laisse y aller en thèse ou je commence? Oh, écoute, ok. Vu que tu me fais là, tant qu'à faire, on va y aller. Est-ce que vous avez vous entendu parler que la manette... désolé, je vais le dire dans mes mots, la manette Steam va ôter sa touchpad pour, et sa raison est, ça serait pour focusser sur l'efficacité de la fonctionnalité de la manette. Ben, si c'est inutile d'avoir un touchpad, dans un sens, moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Moi, ce que je veux d'une manette, c'est que ça soit confortable. Si j'ai un écran au beau milieu de la cassette, de la manette, puis que ça agace, j'en veux pas. Non, effectivement, si ça sert à rien, ben là, fuck off, là. Bon, ça, c'est sûr. C'est ça. Mais qu'en pensent les autres? Mais ceux qui ont reçu là, les premières versions du Steambox, c'était quoi qu'ils avaient eu comme manette déjà? Je pense qu'il y avait genre cette manette-là en guise. Il y avait un pad, hein, c'est ça? Il y avait un pad, ouais. Ok. Puis là, tu dis que finalement, ils l'enlèvent au complet, puis ça va t'aller. Ils vont l'ôter pour essayer de plus que les boutons soient plus intuitifs. Puis... plus, qui répondent mieux, ce serait ça leur raison. Je sais pas. Ben écoute, je pense qu'ils connaissent leur affaire. Je présume que c'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Là. Mm-hmm. Probablement qu'avec les tests, ils se sont rendus compte que « Hey, j'arrête pas d'accrocher ce piton-là » puis on fait « Ah ouais, c'est vrai. » C'est probablement peut-être pour ça. Peut-être. Il est en test. Ça veut dire qu'ils ont vu que c'était pas concluant. C'est juste parfait. D'abord qu'ils le fassent là que... qu'ils nous le shippent et qu'on fasse comme « Asti, j'ai eu la manette. » Ouais, genre la Ouya. Bon, je vais aller avec une de mes nouvelles d'abord. La compagnie King, la fameuse compagnie King qui s'occupe de Candy Crush, veut interdire les jeux qui comprennent le mot Candy dans leur titre. Non! Ils ont pas le droit. Eh ben, ils ont déposé le mot candy dans tout. Ils ont déposé comme brevet. Pourquoi comme brevet, mais comme copyright le mot candy. Ça veut dire qu'ils veulent faire respecter leurs droits sur tous les jeux qui auraient le mot candy dans les applications dans l'App Store de Apple puis dans le Google Play. Vous en pensez quoi de mettre un trademark sur un mot pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui va utiliser le mot candy? Ça a été accepté? Mais non, ça se peut pas, là. Je peux pas trademarker. Ok, je vais mettre trademarker le mot jeu. Y'a plus rien qui peut mettre jeu dedans. C'est ça, tu sais, tu peux plus t'exprimer. Chaque fois que tu vas dire je, tu vas devoir mettre ton 100$, ça, c'est quoi? Ça, non, il y a quelque chose dans le web quelque part. King est prêt à lancer, à poursuivre les personnes qui vont mettre le mot candy dans leur nom. Le copyright a passé, là. Non, ça m'étonnerait, là. Alors, c'est pas. Ils peuvent pas. C'est ce que la nouvelle dit, je l'ai ici devant moi, c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. Admettons que je fais une promotion, toi je suis un promoteur puis je veux promouvoir les barres de chocolat. Les barres de chocolat. Non, je parle dans les jeux seulement. Les jeux. C'est même à ça, je veux dire, en tout cas. Tu peux pas copyrighter, tu peux copyrighter une association de mots, tu sais, des mots qui suivent, tu sais, Candy Crush, quelque chose, tu peux pas quelqu'un d'autre sortir Candy Crush Extreme. Ouais, il pas le mot candy seulement, là, ça se peut pas. Ça me semble illogique, là, c'est impossible. Et puis ils pourront pas faire ça parce qu'ils font ça, faut qu'ils poursuivent ceux qui ont déjà sorti les jeux avant eux autres. Puis ça, c'est tout à fait légal en même temps. Je sais pas s'il y en a tant que ça qui ont sorti un jeu avec candy dedans, là, mais. À 2 millions. Ben écoute. Il doit en avoir pareil, là, ça doit pas être si rare que ça. C'est peut-être pas rare, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont vraiment les poursuivre de 1? Ils vont perdre du monde. En tout cas, ça va peut-être faire mauvaise impression. J'ai l'impression que c'est un coup de pied à la IA, tu sais. Ben, la mentalité est agressive en tabarnouche. Là. Il n'y a aucune utilité. Ça ne rend pas le jeu meilleur ni rien. C'est juste une stratégie dégueulasse. Hein. Puis c'est un free-to-play, ça? Ouais, ouais. C'est un free-to-play en plus, ouais. OK. Mais on s'entend, les free-to-play, ils vont se fier sur la pub. On veut bien croire, mais vraiment, là, c'est un mot qui est en plus très commun, là. Moi, je dis faudrait qu'ils fassent attention parce que s'ils commencent à faire des affaires comme ça, puis vraiment à y aller à coup bas, il y a d'autres compagnies qui vont peut-être passer une sorte de copyright sur le type de jeu, puis eux autres sont dans chenoute parce qu'ils ont copié plein d'autres jeux, eux autres aussi. Mais tu peux pas copyrighter ça, là. Ah, ça se fait pas. Là. Je pense que c'est plutôt dans le mode de jeu ou tout machin qui ont dû copier ça, qui ont dû trademarker, mais pas le mot en tant que tel. Ok, plus que. Ben, à l'école, on a vu un exemple sur les droits de trademark, pas de trademark, mais les droits d'auteur. Mm-hmm. Tu prends. T'as-tu 30 secondes? Je vais donner un exemple. Tu prends Back to the Future, puis tu prends Terminator. Si tu pars avec juste une ligne comme quoi, c'est quelqu'un qui retourne dans le passé. Écoute, mm-hmm. Les deux, ça ressemble à tabarnouche. C'est quelqu'un qui retourne dans le passé pour régler le futur ou whatever, ou retourne... Non. Là, ça commence... Plus l'idée est claire, mais tu peux juste pas dire « OK, je trademark un gars qui retourne dans le passé. » C'est impossible. Là, tu vas mettre noir sur blanc un paquet d'éléments. C'est sûr qu'après ça, c'est une histoire qui ressemble 95% de ce que tu dis ou trois quarts des éléments sont semblables. Oui, il y a sujet à poursuite, mais pas... Tu peux pas trademarker... Un seul mot. Non, c'est impossible. Moi, j'y crois pas. Ça, tu peux, mais en tout cas, ça me surprendrait. OK. Parce qu'après ça, t'as trop facile de trademarker que n'importe quoi. Le trademarker, le mot Shadow, c'est fini. Là. Il y a bien des jeux qui vont se faire avoir. Shadow of the Colossus. On va voir ce que ça va donner, anyway, dans les prochaines semaines. Parce que, bon, on s'entend que King sont rendus avec des reins pas mal solides côté financier. Fait que je serais pas surpris de voir qu'est-ce qui va se passer prochainement. Je vais te laisser avec une autre nouvelle de ton côté, Antithèse. OK. Ceci risque d'en surprendre une couple. Si vous ne le savez déjà pas, le film de Superman Batman mettant vedette Batfleck est reporté pour 2016. Pourquoi? À cause de conflits créatifs. Quel conflit? Est-ce que t'es plus au courant ou... Écoute, j'essaie justement d'approfondir les recherches. C'était assumé que c'est au niveau des scénarios qu'il y a des conflits entre quelle direction va aller ta scène dans le scénario. C'est vraiment pas clair. Puis c'est étrange parce que pourtant, il y avait révélé, je pense que c'était la semaine passée, un nouvel acteur qui s'est joint à la troupe de Batman Superman pour ensuite, en fin de semaine, se faire dire « Ah ben c'est reporté en 2016 ». Juste pour conflit créatif, puis rien de plus. Fait que finalement, de ce que je vois, on dirait qu'ils veulent faire plus un film de Justice League qu'un film de Batman vs. Superman, parce que de la manière que tu regardes ça, là, le film de Justice League était déjà prévu pour faire la suite du Superman-Batman. Ouais, mais t'as déjà une chier de d'autres personnages comme Wonder Woman, je sais qu'ils veulent mettre Aquaman. C'est ça, c'est Aquaman qui était cassé la semaine passée. Mm-hmm. Hein? Il me semble que c'est Aquaman qui était cassé la semaine passée, qui ont dit... le nom, je ne me rappelle plus, mais qu'il était... The Rock? Aquaman. C'est pas The Rock qui était supposé dedans? The Rock, non, je ne me pense pas. Mais The Rock, il y avait une rumeur que comme quoi The Rock ferait partie de là-dedans, mais ils n'ont pas dit quel personnage qu'il ferait. Aquaman. Un Aquaman Samoan et des Philippines. Intéressant. Ouais. Aquaman qui est supposé être blond, je pense que The Rock blond, ça risque d'être très beau. Ok. Ben, regarde, c'est peut-être Cyborg. Oui. Cyborg, c'est il y a toujours ça. Ah, c'est vrai, c'est ils prennent ça de la nouvelle continuité. C'est bon, je n'ai rien dit. Cyborg, c'est plus Titan précédemment, là. Ça pourrait être ça. Ça peut être des tonnes de personnages parce que veux pas. L'univers de DC, il y en a en maudit du monde, là. Yes. Bon, je vais embarquer de mon côté. On a SimCity. Les gens de chez SimCity, ça leur a pris 6 mois de travail pour travailler sur un offline mode. Trop tard. Ça fait pas mal de temps que le jeu est sorti, on s'entend. Je pense que il est sorti en quoi, l'été 2013. Et on se rappelle tous que les serveurs plantaient point, que le monde avait bien de la misère à embarquer, puis que le système de gameplay en multijoueur en ligne, ça n'a pas vraiment fait fureur. Et bien, l'équipe ont travaillé sur un mode en offline qui leur a pris 6 mois pour qu'ils vont nous offrir prochainement avec la mise à jour 10 pour ceux qui ont acheté le jeu. Moi, ce que je trouve le plus drôle, là, c'est parce qu'il n'en parle pas dans l'article que je suis en train de lire en ce moment, là. Mais il y a des pirates qui ont été capables de faire un jeu offline en moins de temps que ça. Gadon, toi. Hein? Gadon. Avant même qu'on nous offre ce patch-là, il y a 6 mois, ben, il y avait déjà des pirates qui offraient une version du jeu que ça leur a pris comme une semaine à coder le code pour le mettre offline. C'est n'importe quoi. My God. Oh, mais... C'est pourquoi? C'est quoi? C'est les autres qui le font trop vite, les pirates, ou c'est les programmeurs qui sont juste trop lents, qui 6 mois, c'est ça, c'est lent, là? Ben, eux autres, de ce que je lis dans l'article ici, c'est que normalement, le jeu, il a été codé en Java. Puis là, à cause que, la configuration offline, ça a de l'air, ils ont été obligés de coder le jeu en C++. Mais, même à ça, si un pirate a été capable de configurer le Java pour qu'il soit offline, pourquoi ils sont pas penchés là-dessus? Ils sont moins pressés. Ils devraient être capables parce que c'est Java et C++, en tout cas. Mais tout le reste de l'équipe travaille sur le DLC, tu sais, tout le monde le sait. Oui. La logique des informaticiens. Ça fait pitié, je trouve, là. Ben, tu dis, là, moi qui ai travaillé avec les deux, et C++ et Java, oui, ils ont des différences, mais pas tant que ça, là. Mm-hmm. Le comment tu gères ta structure, tes lignes, puis tes fonctions, puis tes variables, ben, c'est sensiblement la même chose. Mm-hmm. Donc, sensiblement. Non, c'est ça, c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas mal influencé l'un de l'autre. Fait que pourquoi qu'il y a les experts qui sont payés 80 000 par année, c'est pas plus, ont de la misère. Oui, moi, aucune espèce d'idée. Aucune espèce d'idée. Ils se gardent la job pour faire l'overtime. Ah, ça, ouais. En sachant qu'ils vont se faire crisser dehors quelques mois plus tard par hier. Ouais, c'est ça. T'as-tu une autre nouvelle, antithèse? J'en avais une popée que je pense que là, ça, on va allumer les débats. Il y a eu une révélation mise au jour, pas plus tard que même hier, et en parlant encore aujourd'hui. Xbox paierait machinima pour que ceux-ci donnent des critiques positives sur la Xbox One. Est-ce que c'est... On va juste préciser ici avant, c'est pas... Ben, Microsoft, on parle de Microsoft qui paierait des YouTubers pour que chaque bonne critique qui a 1000 views et plus, ben chaque 1000 leur donnerait 3$, je crois, par tranche de vues. Ouais, c'est ça, 3$ pour toutes les 1000 views qui feraient une promotion de la Xbox One. Vous en pensez quoi de ça? C'est crash! Est-ce que ça vous étonne? Sérieux, tant que ça, là? Non, vraiment, non, pas vraiment, mais c'est parce que c'est quand même important de dénoncer, je veux dire. Qu'est-ce que tu trouves plus poche, le monde que Microsoft propose ça ou qu'il y a une panoplie de gens qui y participent? Dans le fond, effectivement, c'est plus la panoplie de gens qui y participent, c'est pas juste les YouTubers, c'est aussi des magazines comme GamePro, comme même Famitsu sur certains points, qui eux sont assez vendus à Square Enix, puis God knows combien d'autres critiques. C'est sûr, parce que t'as le choix, parce qu'au bout du compte, oui, t'as le choix de dire oui ou non. C'est ça. Parce que le pays, Microsoft, ils se sont fait pogner, exemple, puis la rumeur est sortie, mais c'est pas la première à faire ça, là. Il y a eu EA qui a fait ça, il y a eu Sony qui en a fait, Capcom qui paye des YouTubers pour jouer à ses jeux, tout ça. On pourrait dire que c'est pas les premières, c'est juste eux autres qui se sont fait pogner en tant que tels à faire ça. Mais ouais. C'est de la pub comme un autre. Une commission d'enquête sur la construction, ben ça c'est pour les c'est vrai, c'est t'arrives puis ok, ben c'est d'acheter du monde, ça. Là. Mm-hmm. Ouais, mais c'est pas du domaine public, c'est du domaine privé. Fait que, Je veux dire, mais quand même, c'est plate d'aller jusqu'à ce point-là pour essayer d'attirer des bons reviews. Est-ce qu'ils ont si peur de ça, des jeux qui vont sortir ou des jeux justement qui sortent qui ont besoin de cette fanbase-là, d'aller les attirer avec des faux bons reviews? Parce que si ce serait vraiment un bon review, ils n'auraient pas besoin de donner des pots de vin. Ça viendrait juste tout seul. T'sais, on dirait que ça. Si tu me demandes de donner un bon review, c'est parce que ça doit pas être fort. Je sais pas. Oui, il veut s'assurer qu'il n'y a personne qui dit de la merde, là, ou je sais pas quoi. Là. Mm-hmm. Ben, c'est parce que c'est j'avais entendu. Moi, je suis surtout beaucoup de YouTubeurs, puis il y en a beaucoup qui, justement, ils se font payer pour jouer à tel jeu. Ok, on te paye, tu joues à tel jeu, mais tu sais, les côtés croches, t'en parles pas. Tu fais juste parler des bons côtés, puis tu y joues, c'est tout. Ben, tu sais, ils sont payés des fois, les youtubeurs sont payés des fortunes des fois. Là. C'est... Ben justement, ces youtubeurs-là, moi, je les suis pas point. Je sais que leur jugement peut être biaisé par la review finale. Il y en a un justement qui s'était fait approcher par Capcom pour jouer à Resident Evil 6. Ils voulaient le faire en partant en coop. Puis c'est Capcom qui les avait appelés. Eux autres, ce qu'ils ont dit, ok, on paye nous tant, mais on a le droit de dire ce qu'on veut. T'sais, rendu là, si ton jeu il est poche, on va le dire. Il y en a qui c'est le même qui marche. Mais c'est pas tout le monde qui va accepter ça, de se faire payer moins cher pour ça. Là. Mm-hmm. Déjà, t'as déjà plus d'éthique. Là. Ouais. Fait qu'on est pas mal d'accord que c'est quand même. On voit que Xbox essaie de changer la mentalité du monde sur YouTube, disant comme quoi que Xbox One c'est de la merde. Il achète la mentalité du monde. C'est ça. Mais on peut vous rassurer que Acro des Jeux n'a pas reçu aucune scène de Microsoft et n'en recevra probablement jamais. Est-ce que tu avais. Non, c'est à mon tour, c'est vrai. Ben oui. On y va avec la machine de Alienware, la Steam Machine, qui ne sera pas upgradable et on devra renouveler chaque année. Chaque année? Malade. En effet. Alors, d'habitude, le concept de la Steam Machine, c'est que c'est un PC en tant que tel et tu peux acheter des kits pour upgrader ton ordinateur, ben, ta Steam Machine, sans problème. Mais Alienware ont fait une sortie aujourd'hui en disant que comme quoi, il serait impossible de changer la carte graphique ou le processeur pour prolonger la vie de la machine. Mais inquiétez-vous pas, Alienware entend lancer une nouvelle version à chaque année afin que vous soyez sûr que votre machine soit à jour. C'est ridicule. Et pour la modique top 2... Ils vont. Ben là, c'est quoi? C'est eux autres qui sont officiels ou ils font juste par la façon que je vois, ils sont juste. Ils font partie des 12 premiers partenaires de Steam Machine. T'as quand même 11 autres Steam Machine que tu peux acheter pareil et qui sont upgradables. Sont-tu upgradables par le billet de upgrade à travers eux ou tu peux aller voir n'importe qui une boutique d'électronique puis changer puis upgrader? Non, parmi eux. Tu vas chercher la pièce X pour telle machine X, puis c'était comme si par exemple tu veux changer ta carte graphique, ben c'est un slide que tu dois juste changer. Mais tu penses pas qu'il va y avoir pas un marché noir, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu penses pas qu'il va y avoir un marché où des gens vont pouvoir se procurer ça ailleurs? Regarde, juste... Regarde, j'ai une carte graphique juste pour toi, ici. C'est ça. Ça s'appelle du Apple. Apple. Mais la façon que je vois ça, si, comme tu dis, il y en a 12 en tout, constructeurs, que je vois qu'est-ce qui est marqué là, mm-hmm. c'est pas fou non plus. Les autres sont upgradables, OK, mais justement, le nouveau qui va... Exemple, ça fait 3 ans qu'il est sorti, le nouveau qui va commencer ça, il faudra qu'il achète la machine puis qu'il l'upgrade. Mm-hmm. Lui, il va l'avoir à jour, fait qu'il a juste à commencer avec celle-là, mais le problème, c'est qu'il va être stacké là. Ça va aller chercher un autre marché. C'est ça. Mais... On a le choix. C'est ça qui est bon présentement. On a le choix. Ouais. Contrairement à d'autres comme Xbox, que ça, tu pourras rien faire avec, mais t'as ça. C'est tout. Mais c'est poche pour quelqu'un qui tombe entre les deux. T'sais, mettons 6 mois après le launch, fait que là, il fait quoi? Il se dit, ben, je l'achèterai pas. Je vais attendre dans 6 mois le nouveau. T'sais, ça lui donne 6 mois à changer d'idée et à peut-être acheter autre chose. Mm. Ouais, c'est mais... de marcher avec le contrôle. On va voir aussi avec les autres constructeurs que les autres, exemple, lui, il va peut-être sortir une machine telle date, tout ça. Fait que, tu sais, ça va dépendre, ça va jouer avec les autres aussi. Vu que je jouais, fait que moi, j'ai bien l'impression que ça peut être bon, tout dépendant du marché aussi. OK. Ouais. Va-t-il avoir des points de vente de ça? C'est strictement par Internet? Non, probablement qu'il va y avoir des points de vente, selon moi. Et Big Game, vidéo, microplay, sûrement. Une association avec ça, là. Moi, je verrais en tout cas les boutiques informatiques sans problème, vu que c'est un PC de base, on s'entend. Okay. Fait que moi, je serais pas surpris d'aller voir chez un Future Shop qui est en aide. Ah, oh, sûrement. Oh, sûrement. Mmh. Autre nouvelle, et là, cette fois-ci, on va parler, la gang. Parce que ça a fait beaucoup de remous cette semaine, ça a même paru à la presse, juste pour vous dire à quel point que ça a fait des remous. Nintendo ont des problèmes financiers. Pas des problèmes, des gros problèmes. On s'entend qu'ils ont eu des prévisions à la baisse. Inquiétez-vous pas, Nintendo vont quand même très bien côté argent de leur côté, mais ils ont démontré qu'ils vendaient beaucoup moins de consoles que prévu. Qu'est-ce que ça veut dire en ce moment? C'est que, ils ont prévu qu'ils vendaient pour 9 millions de consoles en début d'exercice, mais là, en ce moment, ils sont rendus compte qu'ils sont plus à une prévision de 2,8 millions. Ce qui est quand même 70% de moins de consoles prévues d'être vendues. Mm-hmm. Que même la 3DS, qui ont réussi à en vendre 13,5 millions, qui prévoit vendre 13,5 millions plutôt que 18 millions. Et ça fait en sorte que l'action de Nintendo a baissé grandement et ça fait perdre beaucoup d'argent. Et même M. Iwata commence à réfléchir à un nouveau business model qui comprendrait des smartphones, et tablettes. Je te retiens tout de suite, il a fait une déclaration hier comme quoi qu'il n'a jamais dit ça et que ça se fera pas. Il a ressorti ça récemment? C'est sur IGN.com, il y a eu une entrevue, il a dit il n'y a jamais été question de faire ça, puis Nintendo prévoit pas faire ça, puis on fera pas ça. OK. Mais c'est parti sur beaucoup de spéculations que Nintendo reconnaîtrait le pouvoir des tablettes et des smartphones. Fait que c'est pour ça que supposément ils s'aventuraient peut-être là. Ouais, mais malheureusement, ils ont démenti ça assez rapidement. Et voilà. Ils s'aideraient pas, je pense, en faisant ça. Ça dépend. Mais de toute façon, c'est normal que les compagnies se plantent de temps en temps et qu'elles remontent la pente. Là. C'est pas nouveau. Le monde, ils voient ça comme si c'était la fin du monde, mais c'est normal. Puis... Et la déclaration en fin de semaine qui a fait rire bien du monde, en tout cas sur Twitter, parce que j'ai vu beaucoup de monde qui ont retweeté ce que j'ai dit. On a notre cher Michael Pachter. Michael Pachter qui est arrivé avec une grande déclaration pour sauver Nintendo en disant « Lancez-vous directement dans les téléphones et lâchez la Wii U. Sortez une nouvelle console. Uh-huh. » Genre, tout le monde qui aurait acheté une Wii U récemment, ben on se ramasserait avec les seuls jeux qu'on a en ce moment. Et Nintendo devrait sortir une nouvelle console selon Michael Pachter. Mais il y a des rumeurs par rapport à ça, justement, par rapport au projet Fusion de Nintendo. Une console, mais qui ferait marcher le jeu Wii U aussi. Mais je trouverais ça poche qu'ils nous sortent ça là. Non, mais ils feront pas ça là, t'es-tu malade? Non, c'est sûr. Mais tu sais, on s'entend-tu que ça fait deux ans, quoi, deux ans que la Wii U est sortie, mettons. Mais il en reste trois. Il en resterait trois, fait que tu sais, j'espère que Nintendo feront pas « Ah, on sort la nouvelle, le Fusion, dans un an, tu sais. » Non, non, mais c'est certain qu'ils sont déjà en train de travailler sur la prochaine. Ouais, comme c'est Microsoft et Sony, ils travaillent déjà sur leur PlayStation 4 et Xbox, je sais plus. Il y a Xbox 2, ils vont l'appeler tout. Je sais plus trop. Ah, mais ça va arriver dans 5 ans, tu sais, ou dans 4 ans. C'est mais ça. Non, Microsoft, ils vont l'appeler la Xbox One More. Ah, si, bon, c'est tellement leur style en plus. One more time. Bon. Ah, tu parles que qu'ils ont déjà envoyé le projet peut-être d'une nouvelle console. Je vais me rappeler, il y a à peu près 6 ans ou pas, PlayStation avait déjà annoncé une date pour sa PlayStation 9. Ça avait pas ça à mon c'est un coup publicitaire, ça. Ouais, mais c'était un coup publicitaire. Je sais, mais tu sais, c'est quand même drôle pareil. C'est sûr qu'ils vont l'annoncer, qu'ils vont en sortir une à un moment donné, mais ils vont déjà travailler dessus, mais ils ne sortiront pas de suite, là. Ça va leur coûter plus d'argent d'en sortir une nouvelle là, vu que tout le stock de Wii U qui s'en va faire présentement, que de laisser à Wii U là, aller, là, prendre son envol. Les jeux sortent, là. Est-ce que Nintendo est en train d'avouer, dans le fond, qu'ils se sont trompés avec la Wii U? Ben, pas nécessairement. Peut-être qu'ils ont juste pas adapté leur stratégie de marketing au marché actuel. On sait pas exactement c'est quoi qui. Ben, en tout cas, moi, personnellement, je vais leur mettre le nom, là, parce que le nom, c'est de la merde. J'aime ma Wii U pour mourir. J'adore ma Wii U, mais le nom, c'est de la merde. C'est vrai. Tu penses pas que la majorité des clients ou des clients cibles ou des gens justement qui s'intéressaient à la Wii U. Une bonne partie, oui, des hardcore gamers, beaucoup de nostalgiques, mais une bonne partie de la Wii qui était des jeunes n'ont pas nécessairement besoin d'upgrader la Wii U ou les parents ne justifient pas la grosse différence pour leur racheter. Parce que les parents, c'est, en général, le monde, là, moi, en tout cas, que je vois dans le magasin, là, à chaque fois que je vais sur Shop Best Buy, puis je vois des parents là, marcher devant la Wii U, puis dire eh, oh, c'est la même chose que la Wii, ça. T'sais, en plus, c'est le même nom, tu sais. Tu sais, c'est pour eux autres, ça veut rien dire, là, Wii U. C'est pas deux, c'est pas trois, c'est... Ah, j'avoue. Ben, c'est ça veut rien dire, tu sais. Tu penses-tu que c'est à cause de ça que, mettons, ils ont pas réussi à accrocher les parents, parce que pour les kids, c'est les parents qui ont le portefeuille. Ben, c'est certain, ils disent, on a déjà une, pourquoi qu'on irait en acheter un autre? Exact. Fait que dans le fond, c'est ces clients-là qui ont bien été capables d'aller chercher... Mais qui ont ça. Fait, qui n'ont peut-être pas eu la quantité de. Puis, même si Reggie Fessenheim l'a dit, Money, il a dit non, non, c'est pas le nom le problème, mais par exemple, les récentes publicités de Nintendo TV, c'est justement ça. Ça me rappelle le temps de la Super Nintendo, parce qu'il fallait justifier à nos parents. Non, c'est une nouvelle Nintendo, elle s'appelle la Super Nintendo. Non, mais... on n'a pas eu ce problème-là. On n'a pas eu ce problème-là à l'époque. Là. C'était clair que c'était nouveau. Là. Moi, oui. Ah oui, moi, je vais justifier. Moi, j'ai jamais vu personne se tromper entre les deux là, à l'époque que je l'ai vu. Là. Pas se tromper, mais fallait quand même que je le justifie à mes parents. Ouais, mais c'est sûr. Non. Mais je parle, tu sais, tout le monde sait que c'était nouveau. Là. C'était pas pareil pantoute là, visuellement. Puis. Faut pas se le cacher. Visuellement, t'en regardes la boîte vite, là, en passant en magasin, là, pis tout ce que tu vois, ben, c'est une console flat avec un disque en avant, comme la Wii normale. Ouais. Ouais, c'est juste la manette. C'est comme s'il y aurait changé la manette seulement. C'est ça. Et pour la plupart du monde, ça justifie pas un changement gros. Quand tu connais pas grand chose là-dedans, tu te dis, ouais, ça a même affaire. Mais y a-tu vraiment une tant de différence que ça? J'ai pas encore joué avec la Wii U. Moi, j'ai joué avec la Wii U. Oui, mais premièrement, c'est une console HD, puis deuxièmement, c'est carrément des années-lumière de la Wii. Oui, oui. Je sais pas, mon côté graphique qui était les enfants dans la main, mais je sais qu'il était rendu HD, mais à part ça. Jouabilité aussi. La petite coche au-dessus de la TS3. Puis la jouabilité avec la tablette est très très différente. C'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment le fun de jouer avec la tablette. C'est ça, mais est-ce que ça va accrocher le public cible aussi avec la tablette aussi? Oh oui. Ça. Moi, j'ai ça, jouer avec la tablette. Mais... honnête avec vous autres, j'ai ça pour mourir. Je trouve ça plate, là. Part si je veux jouer à un jeu là, dans ma chambre, puis loin de la TV, là, je m'en sers quasiment jamais. Je me sers plutôt de ma Gamepad Controller Pro à la place. Mais. Pardon? As-tu joué à Zombie U? Ben oui, j'ai joué à Zombie U. Mais même là, je jouais avec la manette normale. Je suis pas capable de jouer avec le gamepad. J'aime pas ça. Vous pensez pas qu'ils sont arrivés une génération en retard avec la Wii U? Non. Ça viendrait sur retard. Je suis pas prêt à dire non. Ça, par contre, point de vue. Mais. Ça dépend. On aurait tendance à dire justement oui. Soit une génération en retard ou trop à l'avance. Trop à l'avance. Je pense qu'ils ont juste pas le bon concept. Pas le bon public cible, parce que moi, j'ai l'impression. La Wii U était faite pour les enfants. La Wii, je veux dire, était faite pour les enfants. Non, il était fait pour les familles puis les casual gamers. Puis ça a fonctionné à pas jeter. Ils ont fait d'imprimer du cash avec ça. Ouais. Ça, je dis pas. Mais avec la tablette qui embarque pour donner un nouveau gameplay, j'ai bien l'impression que c'est un nouveau public cible qu'ils cherchaient. Parce que moi, j'ai l'impression que ça va plus venir nous accrocher ados, un peu plus vingtaine, tout ça, que les enfants allaient jouer avec ça, puis les adultes, qui eux autres, ça leur... Pas forcément, parce que tu regardes la série de jeux qui ont sorti. C'est encore des jeux familiaux qui ont sorti la plupart du temps. Ouais, mais est-ce qu'on utilise beaucoup le gamepad qui va avec? Ouais, quand même. Ouais. Moi, je trouve pas, là. Tant que ça. Ouais. Ouais, je l'utilise jamais, là. Moi, je m'en sers principalement, surtout, comme dirait Jug, moi, je m'en vais dans ma chambre, je laisse la Wii jouer pendant ce temps-là. Moi, je trouve ça cool parce que je peux jouer dans ma chambre pendant que Marie écoute la télé. C'est l'usage principal qui est quand même le fun. Mais également, moi, je trouve, comme par exemple, j'utilise beaucoup Netflix, j'adore avoir le menu de Netflix directement sur ma pad pendant que j'écoute les émissions. Mais encore là, c'est quelque chose qu'on peut faire avec nos tablettes. C'est sûr. Il veut dire, c'est rare là, le monde qui n'a pas une tablette. Là. Non, c'est sûr. Ça commence à être rare. Là. Mm-hmm. Ouais, vas-y. Juste un petit téléphone Android. J'en ai un qui m'a coûté 100$. Puis c'est tout. On peut tout aller chercher avec. Oui, j'ai vu. Je veux dire, ceux qui ont des smart TV comme moi, là, puis j'ai un Samsung Galaxy S3 en plus. Là, fait avec ça, je peux tout streamer à partir de mon téléphone jusqu'à la TV. Je ne vois pas l'intérêt de la Wii U là-dedans. Oui, toi, parce que t'as ça, mais... Ouais, autres... mais je veux dire, c'est la tendance, je veux dire, actuelle. C'est ça, je veux dire. Un des points de vente origine de la Gamepad, c'est, hey, ça vous donne une tablette pas chère, mais ta tablette, elle fait fuck all sur les autres affaires. Là. Non, c'est vrai. T'as pas d'application, tu peux avoir séparément. Tu peux pas décider de traîner ta Gamepad avec toi. Parce qu'il faut qu'elle reste à la maison, tu sais, parce que sinon... Oui. C'est ça, ouais, ça, j'avoue, je suis d'accord avec toi. Et si tu t'appelles, ben ça te coûte 120$ minimum et t'es mis à faire plus cher pour la faire réparer. Fait que c'est un. On fait attention. Je vais vous poser une question également à ceux qui nous écoutent live en ce moment. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Iwata pour redresser la situation chez Nintendo? All right. Ben, soit t'innoves puis t'oublies ce que t'étais avant, ou soit tu... Concentres encore plus. Ou tu t'acceptes que t'es rétro, parce que, tu sais, on veut pas oublier que ils savent justement que eux, c'est casual gamer, encore une fois, je pense pas qu'ils veulent changer ça. Parce que deux consoles qui s'arrachent déjà une autre clientèle, fait qu'eux, tant qu'à être, ben, arrête de rendre la vie dure. Moi, je pense qu'ils devraient, amener pas d'autres franchises, mais... sortir d'autres choses que juste des Zelda et des Mario. Il y aurait entre autres ça, ouais, mais qui mettent de l'emphase sur ça, parce que Nintendo aussi a une réputation que, oui, ils ont des third parties, mais les consoles Nintendo sont faites pour être développées par Nintendo souvent, ce qui est un stigmate que même aujourd'hui, Nintendo et même la Wii U a. Je veux dire, il y a combien de compagnies qui ont dit « Ah, on fait pas aucun jeu pour la Wii U. » C'est ça. Ah, il y en a beaucoup qui ont dit « On travaille pas là-dessus. » Je pense à EA. Ils ont décidé qu'après les 2-3 jeux qui ont sorti, qu'ils n'en sortiraient pas. C'est quand même EA, là. Je sais, je sais. Tu sais, je dirais EA, c'est... J'ai encore Mass Effect 3 dans la gorge. Des gens partant, là, on parle de EA, là, tu sais. Toi, Jug, qu'est-ce que tu ferais à la place de Iwata? Moi, je vois deux options dans l'avenir. De toute façon, Nintendo, c'est pas la première fois qu'il se plante, là. Regarde... Virtual Boy. Oui, Virtual Boy, puis le SNES CD qui est devenu le PlayStation. C'est pas la première fois qu'ils se plantent, puis ils se sont toujours relevés. Bon, est-ce qu'ils peuvent se relever avec la Wii U? Oui. Peut-être, en sortant des gros titres. Malheureusement, ça va rester first party. Puis, ben, c'est correct, parce que tous les jeux Nintendo en général, c'est top-notch qualité, toute l'équipe. Mm-hmm. T'sais, je veux dire, c'est rare un jeu Nintendo qui est pas le fun, c'est ça. Mais je pense pas qu'ils vont être capables d'aller rechercher le third party. La gloire de Nintendo, des années de Nintendo puis Super Nintendo, c'est fini. Là. Ça fait longtemps que c'est fini, ça. Ça reviendra jamais. Là. C'est pas revenu dans l'époque de Nintendo 64, c'était encore pire. Puis il y avait une petite remontée durant le temps de la GameCube, une petite affaire durant le temps de la Wii, mais là, c'est complètement... je veux dire, la majeure partie de la librairie de la Wii U, présentement, là, c'est Ubisoft. Oui. C'est Ubisoft et Nintendo. C'est, en général, c'est ça. Il y a d'autres affaires, mais c'est ici par là, là. Mais moi, je pourrais quasiment dire que 40% de la librairie présente sur Wii U, c'est Nintendo et Ubisoft qui la compose. Et plus. Là. Antithèse, toi? C'est dur à dire dans le sens que moi j'irais avec ce qui est un petit peu évident puis ce que plusieurs personnes sur les forums diraient, c'est le fait que Nintendo écouterait pas assez sa clientèle en termes de fabrication de jeux. Parce que d'un côté, comme on vient d'expliquer, on est tous prêts à dire que Mario, on l'a assez vu, mais en même temps, on n'a jamais assez de Mario. Mais l'affaire pour être les derniers qui ont sorti avec les qui marchent comme des fous. Écoute, fait que c'est comme la preuve de ce que je viens de dire. Mais il y a plein de jeux que les fans demandent d'avoir des nouvelles d'eux, puis Nintendo ils disent ah ben en passant il y a Mario. Fait que c'est peut-être dans le fond peut-être pas tant changer la stratégie, mais plus aussi changer sur son attitude par rapport à ce que le consommateur demande. J'ai une couple d'affaires, puis j'aimerais avoir vos avis. Moi, si je serais à la place de Liwata, je ferais des choses. Tout d'abord, je laisserais le talent créatif à l'équipe pour travailler sur une vraie nouvelle franchise. On s'entend que Pikmin, c'est la dernière grosse franchise qu'ils ont créée. Nouvelle, là, on s'entend en tant que telle, puis ça date d'un petit bout. 2001. Ouais, à peu près. Donc, je pense qu'il serait dû peut-être pour ainsi d'en créer une nouvelle. Mais Wonderful 101, c'est ça? J'avoue, je suis d'accord. Mais il n'y a pas eu ben de support. On dirait que la publicité n'était pas là. Fait que c'est comme si c'était passé dans le beurre, finalement. C'est ça. Tu sais, quand je dis attitude, c'est un peu autour de ça. C'est Nintendo, oui. Ils ont dû mettre leur confiance pour les Zelda et les Mario. Ils devraient également mettre leur confiance sur d'autres franchises. Comme exemple, je sais pas c'est quoi le Wonder 101, mais... Je me dis que 50% de l'intérêt que tu peux créer face à ton public, c'est comment que toi-même tu as confiance en ton projet. C'est pas aucune confiance en ton projet ou en la personne ou à la chose que tu veux promouvoir, comment tu veux que ton public ait également confiance. C'est ça. Autre chose également, écoutez, bon là, Antithèse va vouloir m'arracher la tête. Ah non? Mais ouais. C'est parce que je vais donner un je vais te donner un nom que, comme toi, t'as pas aimé, mais je trouve que l'idée au principal était bonne. C'est de travailler plus avec des collaborations avec d'autres studios connex. Je fais l'exemple de Metroid Other M. Je sais, si tu grinces les dents en ce moment, mon ami. Non, pas encore, mais continue. Oui, j'ai commencé. Mais dans le sens qu'ils ont laissé travailler Tecmo sur une franchise à eux. Absolument. Ouais. Au contraire, même si l'histoire était plus ou moins bonne. Oui, mais l'histoire, elle vient de Nintendo, elle vient pas de Tecmo. Tecmo, c'est juste les exécuteurs. Là. J'ai mis dans la critique de Other M. La plupart des gens, ils chient sur Team Ninja, mais moi, je trouve qu'au contraire, Team Ninja ont fait une job superbe. Mm-hmm. Puis, moi, sérieusement, je serais à la place de Nintendo, je ferais comme, oh, OK, je vais te laisser, par exemple, Project Cross Zone. J'ai pas joué encore, mais je sais que t'as joué éperdument, Antithèse. Mais c'est quand même un autre crossover de trois compagnies, là. Mais en fait, j'aimais ça, même que j'ai le goût de juste partir là et d'aller jouer. C'est, wow, je vois que t'aimes ça, ton podcast, hein? Ouais, on sent une tonne de dans sa tête, c'est comme, ça finit dessus que j'aille jouer, là. Non, c'est justement en fait, ça. Je vais te retrouver dans ta chambre d'hôtel en train de jouer au jeu plutôt qu'être à OGNM. Tu me donnes des bons espoirs. Oh. Sérieusement. Mais écoute, sérieusement, Nintendo devrait essayer de trouver des partenariats pour créer des nouveaux jeux. Sérieusement, soit de retravailler avec Tecmo, soit de travailler avec Namco. Hey, moi, j'ai repensé à ça en fin de semaine. Là. Pour un jeu de Wii U, là. Pac-Man Versus, le jeu qu'ils donnaient gratuitement dans le temps de la GameCube, là, ça aurait pu être cool. Ça, c'est le jeu où est-ce que tu connectais un Game Boy Advance, puis trois manettes, puis t'avais un gars qui faisait le Pac-Man, puis les trois autres faisaient le fantôme. Ah, c'est un Pac-Man, t'as commencé à loin, toi? Mais imagine-toi, t'as déjà un Gamepad, puis t'as des manettes de Wii. Tu fais juste mettre le gameplay genre de Pac-Man sur ta gamepad, puis les autres jouent avec une manette de Wii. Ça, ils donnaient le jeu gratuitement. Au pire, qu'ils te vendent 5$, ils vont en faire plein d'argent. Ça va fonctionner. Oui, je vais te dire. C'est quoi qui sort? Moi, te le dire. Vas-y. Tu fais un Zelda Four Sword pour la Wii U, puis tu finalement, tu sors ton plan pour les jeux en ligne en même temps. Oh! Ah, j'avais mis le online en plus dans la liste, mais oui, c'est ça. Sors le plan online pour la première fois, t'annonces ton plan online. We have a new online plan. Puis là, tu sais, à cette heure, on a des serveurs, puis trucs machin, puis on vous annonce Zelda Four Swords, multiplayer, 8 joueurs, etc. J'avoue. Oh. Là, tu viens de faire une crise cardiaque à plein de monde. Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est brillant ce que tu viens de dire là. Surtout avec le Super Smash Bros. Qui va s'en venir avec un mode online là-dessus. Mais ça risque d'aider un peu la console, la Smash Bros. Oui. Là, c'est certain. Parce qu'on s'entend, c'est rien que des modifications logicielles, là. C'est pas une modification interne qu'il doit faire. Là. C'est plus des jeux de party, justement, il faudrait qu'ils ressortent. Quelque chose de... Un vrai Mario Party, là, pas comme les dernières shit qui ont sorti. Pour ceux qui se rappellent, ben, je dis pas les derniers que j'avais vus qui étaient pas très bons, mais celui qui avait sorti sur GameCube, en WarioWare. Ça, c'était juste excellent Wario, ouais, c'était cool. Ça, je me rappelle des soirées qu'on avait faites sur GameCube à Cap. C'est juste... C'est rien, là. C'est pas quelque chose d'extrême, là. C'est des mini-jeux, des fois, de 5 secondes qui se jouent. Mais la compétition qui embarque, c'était ça, nous autres, la GameCube, dans le temps de Nintendo, des compétitions même entre amis. C'est plus de jeux de même, OK? Il y a les Mario qui ont sorti, mais je me rappelle d'avoir déjà joué à 4 à ça, puis c'est plus de meurtre qui se fait que d'autres choses. Mais tu sais, le principe-là, ou comme qui justement disait, un vrai Mario Party, qui tout le monde s'accrochait à ça. Là. Online. Le online ferait tout un changement, ça c'est à 8 players, justement, 8 players, ça serait fou. Comme ça serait débile. Mm. J'avoue que ça me donnerait le goût, là. Non, mais hein? Ceux qui ont passé. Ceux qui ont passé, mais ils veulent attendre le moment pour en sortir de la surprise. Je suis sûr que Nintendo, ils ont pensé à celle-là. Ouais, ouais. Mario Kart online. autre chose également que j'avais pensé. Leur politique de Virtual Console en ce moment là est mauvaise comparée à la version Wii. Je m'explique. Répète? En ce moment, leur sortie de jeu sur la Virtual Console, là, c'est un jeu semaine. Alors, c'est calme, ça. Dans le temps de la Wii, ils sortaient 3 jeux, puis t'avais plusieurs petites consoles différentes. Donc, t'avais des chances qu'à un moment donné, bon, ils sortent un jeu de NES. À un moment donné, ils vont sortir un jeu de Sega Genesis, puis ils vont sortir un jeu au pire sur la TurboGrafx. T'avais tout, là. Ça veut dire que t'avais 3 jeux par semaine que t'avais le choix d'acheter, puis que ça te donnait du stock. En ce moment, ils en sortent juste un par semaine. Je comprends pas ce principe-là, là. Ça fait combien de temps que Nintendo est sorti? Que la Wii U est sortie, c'était... 2 ans, là. Mais 2 ans, là. Ça va être 2 ans en novembre passé, là. Okay, j'ai jeté un coup d'œil à leur Virtual Console. C'est donc bien maigre. C'est mince. Il y a rien. 3 pages sur la Wii U. Trois pages. Bien. Puis, il n'y a pas assez de sorties de jeux indie. Il en sortit rien qu'un à la semaine, je pense. Mm-hmm. Ah, ils supportent, mais c'est pas autant que les autres. Ils sont pas forts, ces jeux indie, parce que là-dessus, c'est comme je disais, un peu, je vais compléter ce que j'ai dit tantôt, ils ont une mentalité conservatrice. Mais non, mais c'est ils ont tout fait leur publicité de la Wii U là-dessus. On est plus ouvert aux indie, on va aider les indie, puis toutes les indie sont, hey, on est Nintendo nous aide au bout. Dire puis faire, c'est deux choses différentes. Puis il y a qu'un jeu par semaine qui sort. C'est ça, s'ils font le minimum, ils vont dire, quand même, ben, on respecte ce qu'on dit, deal with it. Ben, il faudrait qu'il y ait là-dessus, parce que moi, ce que je trouve présentement, le indie va devenir de plus en plus une grosse part du marché qui commence à s'en venir. Ben les oui. Les jeux qui sortent de plus en plus, je donne un exemple, Rush, que le monde embarque comme des fous. Il y en a plein de petits jeux qui font des hits. C'est à checker, là. Il y a vraiment du gros potentiel qui commence à sortir, puis c'est avec les Kickstarter puis tout ça. Il y a bien des jeux qui pourraient bien vous surprendre avec ce qui va arriver, hein. Moi, j'ai regardé hier, je voulais m'acheter un jeu sur la Wii U, hein, un jeu téléchargeable. Puis j'ai regardé Unepic, qui coûtait 10$ sur la Wii U. Là, je me dis, ah, je vais aller voir sur Steam, je vais aller voir combien ils le vendent sur Steam. Ils le vendent 8$. En sachant que, mettons, peut-être dans une semaine ou deux, il va peut-être tomber à 3$ avec un deal, tu sais. C'est ça. Bon, Steam, c'est le même qui vont chercher le monde avec les deals. Parce que rendu là, moi, je suis plus console d'une certaine manière. Il y a bien des jeux que je jouerais plus sur console que d'autres. Mais, exemple, moi, j'ai joué à Skyrim sur console pendant un bout. Puis, j'avais vu le package deal qu'il avait fait sur Skyrim sur PC. Alors que je sais qu'on peut le modder, qu'on peut faire ci, faire ça. Ça donne le goût d'aller chercher sur PC. Je trouve que avec Steam, tu vas aller sauver bien plus d'argent. C'est le défaut qu'ils vont donner sur les consoles. Puis, ça, oui, s'ils les vendent encore plus cher que. Qui sont déjà, ça aide pas, là. Non. Et dernière chose, c'est une sûre et garantie qui s'en vient dans quelques semaines, parce que je vois des deals partout cet ancêtre, là, et une drop de prix qui va s'en venir. En ce moment, la console blanche, je la vois à 200$. C'est sérieux? Oui. Oh boy. Chez Femme à prix, ils vendent 200$. Il y a du monde qui achète des jeux chez Femme à prix, c'est vrai? Ben ouais. Très surpris. Des fois, il y a des deals, là, je me rappelle, il y a une année, quand la 3DS coûte encore 250$, j'avais dit à un moment donné à Ben, hey, la console est quasiment 100$ de moins cette semaine chez Pharmaprix. Il me répond, ouais, mais je l'ai acheté hier à 250. Fait que, tu sais, je m'attends à ce qu'ils vont avoir bientôt une drop de prix chez Nintendo OP. Je pense qu'ils vont l'annoncer durant le temps du E3. Ils vont dire, la console de base est rendue 200$ et la console noire est rendue à 250$ avec. Mais ils veulent viser. Le nouveau Mario. Mais c'est niaiseux à dire, mais ça va peut-être même les aider de baisser un peu la console, parce que c'est ça qui avait fait aussi vendre la Wii pas cher, que tout le monde pouvait se payer. Mm-hmm. Fait que tout le monde en avait une quasiment, même, elle était pas chère. On en prend une, puis si jamais on a envie de jouer, elle est là. On prend un jeu une fois de temps en temps. C'est ça qui avait fait de vendre la Wii comme un fou. Si la Wii U équivalait autant que les autres consoles, le monde a peut-être moins voulu d'aller chercher plus la next-gen que la Wii U. Là, si elle baisse à 200$, tout le monde va pas l'acheter quasiment. Hein? Bref. Tout à fait. On va aller voir nos fans sur le chat en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont comme idée pour... Ça parle beaucoup, en tout cas, de manger des bons steak ribs. Du bâton rouge. Oui, je vois ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Intéressant dans les nouvelles... je parle à part de manger des bons ribs. ici, je vois Michel Junior qui dit qu'il pourrait peut-être sortir une mini console à 100$ pour seulement pour les jeux Virtual Console. C'est ça que je cherchais. Ça s'appelle la Wii U. Ça s'appelle la Wii U. La Wii U. T'achètes une Wii U et tu joues à des jeux émulés. De toutes les consoles possibles à l'heure. De jeux rétro, là, je veux dire. Avec mais c'est ça, tu peux faire ça, c'était Wii U. Mais c'est legit, c'est pas Nintendo, ça. Ben non, c'est pas legit, mais t'as bien plus de choix que la console virtuelle. Non, mais je veux dire, mais Nintendo s'en sortirait une vraie. Mais non, je le sais, mais si vous comprenez le principe, là, je veux dire... Ouais. Accro des jeux se dissocie des propos de juste un gamer. Non, mais... Wow. J'ai jamais dit que j'étais pour ça, premièrement. J'ai juste dit que le monde commun, normal, autre que les vrais gamers puis les vrais collectionneurs, c'est ça qu'ils font. Mm-hmm. Faut pas mal interpréter mes propos. Là. Non, c'est sûr. On avait une vidéo Game Archivist qui dit si Nintendo commencerait à sortir, il va survivre la journée où ils vont refaire des jeux rétro en copie physique. Là-dessus, ça va premièrement qu'ils ressortent des consoles pour que ça vaille la peine au point de vue cash. Là. Mm. De toute façon, les copies physiques de jeux, là, oublie ça, c'est mort. Ben oui, oublie ça. Le monde, ils sont pas intéressés à ça, les nouveaux, puis tout, là, oublie ça. Mais c'est pas juste ça, c'est que justement, ceux qui vont aller chercher ces jeux rétro-là, même s'ils refont physique comme ça, c'est justement un collectionneur, mais je suis pas sûr que les collectionneurs vont aller chercher ça, vont aller chercher les versions originales à la place d'aller chercher ça. Ben oui, c'est sûr. Ben ouais. Fait que je pense pas que... Hop, on l'a perdu. Shadow. Ah, comment on va dire qu'il va jouer? Je dis pas. T'es surpris. Excuse Shadow, on t'a perdu à la fin, ça a comme coupé. Ah ouais? Ouais, ça doit être sûrement à cause de Firefox. Un peu, mais tantôt j'ai été obligé de couper parce que ça avait gelé, mais au moins c'est un petit peu. C'est ça que ça fait quand tu télécharges de la porn. This joke is old. Écoute ça, j'avoue que 50 downloads en même temps, c'est pas une bonne idée. J'ai baissé à 48, là, ça devrait aller. C'est ça que tu regardes sur le moniteur. Ouais, c'est vrai, monsieur, monsieur travaille sur deux moniteurs, fait que. Il fait des trucs, hein? On s'entend pas le vrai. Ah là là, on s'habitue, on était taquin, c'est nos petits nouveaux, fait que. On les aime comme ça. Je suis capable d'en prendre, inquiétez-vous pas. T'inquiète, nous on est prêt à t'en donner. C'est bon, amenez-en. Amenez-en. Bon, fait que là-dessus, je pense que ça clôt pas mal la discussion concernant Nintendo. On avait un gars, en passant, les gars, on va peut-être pouvoir l'aider à le répondre. On a un gars qui nous demande comment nos trucs pour retirer des étiquettes sur les vieux jeux. Ah. Ok, il était de certaine façon, mais oui. Mais moi, je peux vous garantir que si vous voulez vraiment la réponse, vous demandez à Vidtendo, Video Game Archivist. Je pense que s'il y a quelqu'un de bon là-dedans, c'est bien lui. C'est pas de lui la. Il y a un gigueur aussi qui a tué des bons trucs sur notre site. Ouais. Moi, j'utilise. Moi je peux te dire rapidement comme ça. Moi, j'utilise le gaz à lighter avec un crattoir. Moi, c'est ce qui a été champion pour moi. Il y en a qui disaient du Gougon, là. Ouf, non, j'ai pas trop trippé, moi, ce Gougon. Ben, ça donne le paquet, là, ça pue. Oui. Après. Fait que non, moi, j'aime pas ça d'avoir du Gougon sur ma pochette, parce qu'après ça, je le sens encore là, quand j'ouvre la pochette. Ça sent pas bon. C'est ça qu'on utilise à ma job présentement, puis il y a des bouteilles qui ont pété un moment donné dans l'entrepôt. Je peux te dire que ça sent longtemps. Mais c'est efficace. Moi, je prends du DW40. Ah, tu découvres les propriétés secrètes du WD-40? Ben, c'est un dégraissant, ça aide à enlever les stickers. Hein. Ouais, c'est vrai. Et fait que là-dessus, c'était un autre petit truc pour essayer de retirer des étiquettes. Et aller voir Vidtendo, puis il y a d'autres trucs. Ou sinon, je sais que Giga, sur notre site internet, a publié un article là-dessus. Mm-hmm. Alors, vous pouvez passer, aller vérifier ça. Juste en passant, une petite annonce, on a encore un autre nouveau qui se joint à l'équipe des accros des jeux. Je vais juste chercher ses informations à lui, mais oui, on va avoir un nouveau chroniqueur qui s'en vient avec accros des jeux. Son nom, c'est Jonathan Gaudreau. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit des articles sur la plupart des choses geek qu'il fait de tous les jours. Donc, s'il joue à un jeu, il va vous faire une critique. S'il veut parler d'un sujet en particulier, il va vous l'écrire également. Donc, on souhaite félicitations à Jonathan de se joindre à l'équipe des accros. Il va probablement peut-être faire son petit tour rapide à la semaine prochaine au prochain podcast et vous allez pouvoir poser vos questions à Jonathan. On embarque avec notre sujet? Oui. Yeah. Good. Fait que cette semaine, on parle de... Dead Battle! Oh my God. Belle découverte. Très belle découverte. Dead Battle, créé par la compagnie Square Attack, qui a créé ce jeu-là. Ben, pas ce jeu-là, c'est une série d'animation de 5 à 20 minutes. Même encore plus long, si on parle de la bataille entre Goku et Superman. Oh 35 minutes. 35 minutes. Dis-tu du résultat. Pas d'accord. Oh, non, on va en parler plus tard, là. Mais, c'était quelque chose de très, très épique de ce qu'on a vu côté vidéo. Je voudrais d'abord avoir... Finalement, je vais faire un petit exposé. C'est quoi Dead Battle? Eh bien, c'est juste simplement... Vous souvenez-vous dans le temps, quand on était jeunes, on disait « Ah, j'aimerais voir une bataille entre Hulk puis Superman, voir qu'est-ce que ça donnerait. » Ben, dans le temps, il y avait certains comics qui le faisaient. Par exemple, DC puis Marvel ont décidé de faire un crossover moins une fois. Les amalgames, ouais. Hein? J'ai dit les amalgames aussi. Oui. Et ça donnait des comics qui sont plus ou moins reconnus à cette heure. Mais la gang de Square Attack ont décidé de créer une série qui s'appelle Dead Battle, qui font une analyse de deux personnages, qu'est-ce que ça donnerait si on les mettrait dans une arène puis qu'ils s'affrontent. Donc, ils évaluent tous les pouvoirs, mettons, leurs armes, leur équipement, et à la fin, vous voyez une animation de ce qui se passe dans la bataille et après, il vous explique pourquoi lui aurait gagné comparé à l'autre personne. Et c'est de la façon logique, de la façon qu'il utilise. Et il se fait aux comics en partant. Ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment quand même, ils vont avec la logique, ils vont pas y aller plus populaire ou pas, vraiment tel bébelle, puis ils l'expliquent de façon approfondie pour que tout le monde puisse comprendre facilement. C'est un fait que j'ai bien aimé. Fait que je vais commencer avec t'as un arcade. Comment t'as pensé de cette série-là? Qu'est-ce que t'as pensé la première fois que t'as vu ça? Oui, ben qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est que ça ressemble beaucoup à Deadliest Warrior, dans le fond, c'est le même principe de ça, puis généralement, il y a tout le temps un des super-héros que tu connais ou un des personnages que tu connais plus que l'autre, puis c'est le fun qu'avant que le combat commence, vraiment, ils vont de manière approfondie sur chacun des personnages, ils s'étendent pas trop, ils skippent pas de détails, on dirait que c'est juste la longueur parfaite, fait que t'as assez d'infos des deux bords, puis ils vont chercher là, des affaires, ils vont chercher loin, là. Fait qu'ils font une grosse recherche pour ça. Moi, je trouve ça super intéressant, puis surtout en plus, le combat, il est tout le temps, écoute, il est super bien fait, c'est hyper drôle, puis c'est vrai à la source, t'sais. De chacun des personnages, s'il y avait un combat épique à voir entre ces deux personnages-là qui montrent, qui font un portrait à chacun des épisodes, ben ça serait exactement ça. Puis non, c'est un gros thumbs up, j'adore bien ça. Shadow, tu sembles connaître un petit peu plus cette série-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas que j'en connais plus, c'est que dès que j'ai vu ça, je les ai écoutés un par un. Il faut toutes les voir. J'ai vraiment adoré, justement, qu'ils vont, comme qu'il disait à Arcade, qu'ils vont approfondir. Il y a ces personnages que je connaissais même pas. Enfin, tu sais, ok, je sais c'est qui, je sais c'est quoi ses pouvoirs, je sais à peu près qui c'est en tant que tel, puis je le verrai quelque part d'autre, je vais le savoir. Fait que c'est. Il nous amène ça de même pour vraiment. Et puis, qui compare, on va dire, aussi, ce que j'aimais, c'est les combats vont aller avec des personnages, on va dire, qui ont une ressemblance assez commune, on pourrait dire. Je pense que c'était Pikachu et Blanca, deux qui font de l'électricité, ils vont aller avec ces deux-là. Thor et Raiden, qui sont deux dieux, fait que j'avais bien aimé. Puis, ils vont surtout chercher les Dead Battles, justement, de personnages que le monde voulait depuis des années qu'ils veulent voir. T'sais, on pensait beaucoup Superman, que beaucoup de monde, ça fait longtemps que le monde voulait voir. La petite pouliche puis Starscream. Ça, la carte, j'ai pas vu. Non, n'importe quoi. Celle-là, je l'ai pas encore vu, mais. Puis, souvent, la façon qu'ils vont te l'expliquer, quand ils checkent le match, tu sauras pas qui va gagner. Mm-hmm. T'as l'impression que les deux vont s'accoter, ils vont juste dire, OK, quand ils expliquent, ils disent pas, OK, ça va être plus fort que ça. Non, non, non. Lui, il y a ça. Lui, il y a ça. À la fin, on va t'expliquer c'est quoi qui était plus fort ou pas. Fait que, en plus, ça te laisse un suspense dans les Dead Battles, puis c'est vraiment le fun à voir. Vas-y, antithèse de ton côté. Écoute, je pense que les deux l'ont comme pas mal couvert, mais qu'est-ce qui est le fun, surtout, c'est. C'est un aspect très penché sur ce qui est sur la fantasy. Je veux dire, regarde, c'est pas juste. Les Dead Battles, c'est dans le fond, ce sont les Dream Battles qu'on voulait depuis un bail. Le dernier, je pense, c'était Khan contre. Non, c'est pas ça. Ah, Mr. Bison? Ouais, Bison, Khan. C'est Shao Khan contre Mr. Bison. Pourquoi pas, dans le fond. Qui selon eux autres, serait le meilleur des quatre Ninja Turtles qui était, je dois l'avouer, mon premier Dead Battle. Qui me laissait un petit coup amer parce que. Oui, il analyse tout, mais ça arrive, c'est quand même humain, ça arrive de manquer des importants qui peuvent faire la différence. C'est ça. Comme c'est aussi le cas avec le Goku contre Superman, mais Goku contre Superman, comment tu peux trouver un gagnant à ça? Honnêtement, là. Ben, leur méthode, il a fallu même qu'ils se justifient à la fin. Oh my god. Écoutez, ils ont même ressorti un des deux créateurs. Il a sorti un billet de blog où est-ce qu'il explique comme pendant 20 pages que oui, il a fait des erreurs durant les vidéos, mais qu'en somme, la fin donne que c'est encore le même résultat. Oui, c'est énormément de travail qu'ils font, puis c'est vraiment pas facile. Écoute. Quand t'es rendu à compter du quintillion. Ouais. Il y a ça. Mais c'est fucking précis. C'est vérifiable. Puis ça, ces gars-là, ils savent que c'est vérifiable parce que, justement, si ces gars-là ne veulent pas se faire caler, ben, plutôt, c'est que ces gars-là veulent pas savoir qu'un message, c'est qu'ils se fassent appeler bullshit à tour de bras. Mm-hmm. Ils se battent bien. C'est parce que c'est souvent ceux qui vont dire ça, ils n'ont pas lu le comics où ils sont rendus. Ouais. Puis, si on se fie des fois Superman ou bien des personnages, c'est rendu même beaucoup trop exagéré. Il avait dit qu'il, justement qu'il prenait la nouvelle version que de l'ancienne, alors que Superman, des anciennes versions, comme qu'il disait, en éternuant, il a détruit un système solaire. Tu sais, ils ont exagéré. C'est pas de leur faute à eux autres là, si les auteurs de comics aussi ont exagéré comme des fous là, sur certains personnages. Là. Faut que t'en apprennes et t'en laisses. Là, c'est plate qui ont dû se justifier à travers le biais d'un blog. Ça, je trouve ça plate. Crème, c'est du entertainment. Gate, regarde, ils ont fait des erreurs. Mais ils ont dû simplement trancher. Fait que regarde, tu enjoy. Puis tu te fais insulter. Après, c'est colossal là, une recherche de deux personnages. Puis tout le travail qu'il y a là-dedans, mais en tout cas, je trouve donc, ça plate. Donc, je pense à la même personne qui font les mêmes personnes. Non, c'est pas les mêmes personnes, excusez-moi. C'est pas vrai. Lorsque justement, j'ai des flashs qui me font penser. Non, c'est vrai, c'est deux personnes différentes qui l'imposent. C'est tout à terre. Mais donc, les deux personnages, là, Wizard et Boomstick. Qui sont juste débiles en passant, là. avant ça, PF, je vais juste demander à juste un gamer s'il a eu la chance d'en écouter. Non, j'ai pas eu la chance. Mais je comprends le principe. Les battles en truc machin. Fait que on doit aujourd'hui le défi va être de convaincre juste un gamer d'écouter la série. Ah, on a pas besoin de convaincre. Faut qu'il l'écoute, sinon il est poche. C'est un devoir là. Absolument. Fait qu'on va parler des deux présentateurs qui sont Wiz et Boomstick. Vous en pensez de quoi de ces deux gars-là? Hey, C'est quelque chose. Un qui est quand même assez sérieux. Ben, sérieux, il fait ses jokes aussi, mais tu sais, qui va expliquer puis de façon correcte puis que tout le monde puisse comprendre. Puis t'as le Comic Relief à côté qui fait juste hyper bien dosé. Fait que c'est ça qui est juste parfait, je trouve. Là. Ben, c'est un bon duo de commentateurs. T'as toujours le commentateur puis l'analyste. Fait qu'il y en a un qui ressort tous les faits puis l'autre qui ressort un paquet de commentaires partout, tout le temps. Mm-hmm. Puis, côté animation, vous en pensez quoi? Sublime. Écoute, quand c'était sur le 8-bit, c'est déjà quelque chose de cool. Quand ils ont essayé de tourner ça en 3D, comme ils ont fait avec Superman contre Goku, c'est là que tu vois que ces gars-là, non seulement ils aiment ça faire ça, mais ils sont sérieux à leur création. Mm-hmm. Oui, professionnel, ouais. Puis, moi, je te dirais en plus, là, ça prend du travail de fou. Je pense que juste un gamer peut le dire avec les animations qu'il a faites, ça prend du temps. Ben oui, c'est sûr. Faire de l'animation 3D, c'est pas évident. C'est pas le plus beau 3D, on s'entend. Mais à maintenant, on s'en rend. Tu faut que tu penses au fait que ça a quand même une belle qualité pour des gars qui sont peut-être pas payés, mais qui ont quand même un crise sur ces gars-là ont fait ça. Je sais pas si on y touche il a réussi à faire de l'argent avec ça. Mais ils mettent des pubs au début. Tu sais, quand t'es rendu à 1 million quelques de likes de views que sur YouTube. Ça, c'est juste YouTube là, plus leur site. Je suis convaincu qu'ils doivent avoir une petite rémunération. Ces gars-là font ça à temps plein. Oui, c'est sûr qu'ils font ça à temps plein, mais je veux dire, ils ont pas peur d'avoir des problèmes avec les compagnies qui détiennent les droits, ça c'est... Screw Attack doit payer des droits d'auteur. Ouais, Screw Attack, c'est une grosse machine. Là, ouais, c'est gros. Je pense que c'est quasiment un petit peu à la même égalité qu'à Machinima aussi, dans certains sens. C'est quand même assez gros. Plus? C'est juste que Machinima est plus répandu que Screw Attack, mais Screw Attack, ils ont leur propre convention. Ah, ok. C'est vrai. Ça, je savais pas. Leur propre quoi, pardon? Convention? Oui, Screw Attack, leur propre convention. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ils ont leur propre convention à Dallas. Fait que, ouais. Ils sont pas mal gros, Screw Attack, rendus là. Vos combats préférés? Ryu contre Strider est facilement l'un d'eux. Actuellement, Leonardo contre Raj des Battletoad, c'est un petit péché mignon. Justin Bieber contre Rebecca Black. Rebecca Black. Lui, était juste comme, c'était n'importe quoi, c'était le fun, c'était ça le but. Comme dirait Arcade, just enjoy the show. Ben, c'était le combat Justin Bieber contre Rebecca Black. Un que j'avais bien aimé, moi, c'est Goomba contre Koompa. pour la fin. Juste pour la fin. On spoilera pas, mais juste pour celle-là, c'était juste débile. C'est sûr que j'ai bien aimé Superman contre Goku, même si je suis pas d'accord avec la fin, mais bon, ça, c'est dans mon cœur, ça, là. C'est un meilleur qui est dur, ça. Mais tu sais, j'ai quand même accepté le fait de la façon que ça a été fait. Un autre, j'avais aimé Link vs. Cloud, qui avait été quelque chose, celui-là aussi. Oui. C'est dur de faire un choix parce que, sérieusement, je les ai vraiment tous trouvés bons. Arcade, toi? Ben, j'avais bien aimé le petit clin d'œil que je disais tantôt, le Starscream avec Rainbow Dash. Là, c'est juste, c'est comme deux catégories fucking par rapport à une poulie. Ils ont comme une ressemblance, puis c'était un que j'avais accroché beaucoup. Là. Je les ai pas toutes vues, non. J'en ai quand même vu plusieurs, mais celle-là, là, il était assez drôle. Je vois pas pour le sérieux de la chose, mais c'était tellement poussé. Un genre de pet en arc-en-ciel. Fait que quand t'as ça dans un dead battle, là, c'est ça. Et quand vous attendez pas au résultat, ben c'est ça. Le je veux pas le spoiler sur le podcast, mais le résultat est assez. OP, regarde. Oui, c'est la gueule qui est grand ça. On va faire l'avertissement spoiler là. Non, je fais pas le spoiler. Non, mais là, moi je vais en faire un. C'est parce que je risque d'en faire après. Fait que. Ah, méchant. Je l'ai fait. Méchant! Juste le gamer, il est là, il a pas rien écouté, pis il y en a un jeu qui écoute. Lui, c'est son problème. Ouais, c'est ça, c'est mon problème, ça. Fait que pour tous ceux qui veulent pas savoir la fin, qu'ils ont pas checké, coupez le son là. Fait que John, coupe le son. Moi, je m'en fous, là. Okay. Le combat entre Robotnik et Dr. Wily. Ah oui! Oui, la fin, la malade. Ah oui. Finalement, il n'y a pas un chat qui gagne. C'est non. Juste. Parce que leurs armes sont tellement comme complémentaires l'un à l'autre que finalement, à la fin, les deux se détruisent à cause d'un personnage puis du virus. Moi, c'est la façon en plus qu'il dit. Il dit non, mais ben finalement, ok, c'est lui qui est mort, c'est l'autre qui est mort en premier. Mais l'autre s'est fait tuer par sa propre machine. Finalement, c'est lui le vainqueur, il n'y a aucun rapport. C'était n'importe quoi. Sinon, là, moi aussi, je suis d'accord. Goku contre Superman, j'ai adoré. Et moi, je suis d'accord avec la. Je suis d'accord à cause d'une chose. Il l'a dit, puis moi, je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'un homme qui est là pour battre des limites peut faire contre un homme qui n'a pas de limites? C'est ça. Ben ça, c'est un peu Deus Ex Machina. Je veux dire, si t'arrives, tu termines, bon, ce gars-là n'a pas de limite, puis d'acide, d'assort. Mais c'est parce qu'ils ont... Dans ben des... Superman avait bien mis ben des limites à ben des places. C'est que c'est dans le comics qu'à un moment donné, il a complètement dépassé les bornes aussi, là. Tu sais, c'était déjà limité à ben des places, parce que pour ceux qui ont vu les comics, que Superman peut quasiment déplacer le système solaire à lui tout seul, il déplace la Terre à lui tout seul, c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas ça qu'on a connu vraiment en tant que tel, hein. Qui est fort, mais pas à ce point-là non plus. Non, mais tu sais, on s'entend que le combat, il a voulu être fair dans un sens. T'sais, Goku aurait pu le planter s'il aurait juste laissé à côté de la kryptonite et ouais. D'y donner une coupe de volée. Je suis d'accord avec ça. Mais... Même là, de la façon qu'il en parle dans des bandes dessinées aussi, que ça aurait peut-être juste. Il aurait pas pu le tuer dans un coma, healing coma, qu'il disait. Ça avait été transformé, qui a jamais été. Il peut pas. Parce qu'à un moment donné, ils disent que Superman pouvait être tué, qu'il est juste il pourrait juste être un homme ou tout ça. Mais là, avec tout ce qu'ils ont donné, tu sais, je suis quand même d'accord avec quand ils vont l'expliquer, je suis très d'accord avec les résultats pareils. Même si ça fait un pincement au cœur. Mais bon, ça vient que c'est exagéré. C'est faux. C'est les comics. C'est faux. C'est quelque chose à blâmer, c'est les comics. OK. Fait que, sinon, à part de ça. On va remettre ça clair. Si, juste un grammaire, il aime ça, ou si vous aimez des affaires qui ont également une excellente analyse derrière et que partir de ça, une séquence d'animation impressionnante, alors, sans plus tarder, checker the backpo. Fait du marketing. Et ça gratuitement, parce que c'est sûr qu'on n'aura pas, aucun de nous aura une rémunération de Screw Attack. Non. J'aurais pas une scène de ouais, voyons, je m'avais dit Hanson Tom, mais il est pas bien mêlé depuis longtemps. Mais, c'est un drink, je pense pas qu'il va me donner une scène pour ça. Mais, Mais l'idée est fun parce que c'était unique, ça n'existait pas encore avant. Là. Tu sais, review, un paquet de shows différents, oui, il y a des similitudes de gauche puis à droite, mais tu tombes dans Dead Battle, c'était du jamais vu. Là, à part Deadliest Warrior, qui était le principe de l'émission, c'était ça, là, mais moi, jamais rien vu d'autre ailleurs. Ça ressemble à ça. Mm. Fait que vous recommandez d'écouter le show à tout le monde? Ok, ah, oui. C'est sûr, c'est un excellent divertissement, là. C'est un incontournable de même sur YouTube, si je peux me permettre. Ça s'écoute très bien, là. C'est pas très, très, très, très long non plus. Fait qu'une petite émission de fois de temps en temps, là. Bon, ça prend une dizaine de minutes chacun, environ. Pas beaucoup. Superman, c'est 30 minutes. Mais parce qu'ils étaient tellement attendus, ce combat-là, ils ont pris ça à cœur, là. Ils ont fait, on va en faire un bon. Non seulement on a pris ça à cœur, mais tu sais, quand c'est rendu que tu vas jusqu'à demander à some random guy pour faire la voix de Superman, puis un gars de Team Four Star pour faire la voix de Goku, là, parce qu'en quelque part, tu veux vraiment, en plus, non seulement faire... Tu sais que tu fais quelque chose qui va être bon et qui va attirer des gens, mais tu veux vraiment comme faire... Bon, on sait que ce combat-là est assez épique, que tu veux le rendre le plus complet possible. Ouais, tu veux le rendre justice, mais tu veux pas revenir dessus, là, c'est fait, là. C'est appelé. Ils ont bien fait de faire venir Team Four Star justement pour faire Goku en plus. Là. Fait que, toi, Jug, est-ce que tu vas l'écouter? Ouais, éventuellement, quand j'aurai le temps parmi les nombreuses patentes que j'ai à faire dans la vie. Donc, écoute toutes les vidéos de Classic Game Room. Ouais, genre ça, une fois par jour, plus CGR de To, plus Geek and Sundry, plus. Puis en plus, tu prends une pause en fin de semaine parce que tu t'en vas à Gatineau. Ouais, c'est ça. Là, après ça, il va falloir que je me rattrape. Là, Philippe DeFranco show. Puis tout le team. Arrête avec le Philippe DeFranco. Là. C'est à cause de gens comme toi qui à faire les millionnaires juste à faire des vidéos sur YouTube. C'est correct, ça. Ok. C'est quoi le problème avec ça? No curve. On va aller voir nos fans sur YouTube avant de quitter, de voir qu'est-ce qu'ils jasent. Super Dark Zane, il dit un dernier que j'ai vu, ça fait longtemps, c'est Mega Man vs Samus. Non, il n'a pas été fait celui-là. Je pense que oui, en fait, mais ou sinon il y a une confusion sur le jeu Mega Man vs Samus, le jeu sur Flash. Je pense que c'est toi qui veux parler. Ça se peut peut-être, mais non, c'est dans le Dead Battle. Hein? Non, c'est bon ça. Il y a beaucoup, beaucoup de copies aussi, là. Il y a eu des copies. Donc, Machinima qui faisait ça, là. Ah, peut-être. Ça se peut. Sinon, à part ça, je vais aller voir qu'est-ce que le monde dise. On a notre nouveau aussi, Jonathan Gaudreau, qui est présentement sur le chat. Fait que si vous voulez poser des questions, allez-y. Salut, Jonathan. Et on a également Funky Billy qui nous remercie pour le gaz à lighter. Qui est effectivement la meilleure façon, selon moi, pour enlever les étiquettes. Mais demande à Vitendo, il va pouvoir te dire aussi d'autres trucs pour pouvoir enlever les étiquettes sans problème. Sinon, pas ça, je vois pas d'autre chose. Non, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous allez être présents en fin de semaine à Gatineau, pour ceux qui ont le temps de venir nous voir. On est... alors, on va être moi... Marie-Lune, Antithèse, Arcade Rétro, Justin Gamer et Testeur Alpha et Beta qui vont être présents, avec le joueur du grenier qui va être également présent. Fait que c'est la grosse fin de semaine. Si jamais vous voulez venir nous voir à Gatineau, on va être présent à peu près une bonne partie de la fin de semaine. Fait que soyez pas gênés. Si nous voyez, vous voulez jouer avec nous autres, venez-nous-en. Si vous voulez un autographe de un gamer, une baffe d'antithèse ou un câlin d'arcade rétro, ben c'est le temps idéal pour pouvoir donner, pour pouvoir nous rencontrer. Fait que, antithèse, pour comment... je vais commencer avec Shadow. Comment on peut te rejoindre sur les internets? On a sur ma page Facebook Shadow Zone Game, puis sur ma chaîne YouTube du même nom, Shadow Zone Game. Arcade, comment on peut te rejoindre sur les internets? Oui, sur maintenant le forum d'arcade, le forum d'accro des jeux, et sur YouTube aussi, Arcade Rétro 83, et sur Facebook, c'est là que je suis pas mal le plus actif, sur la page Arcade Rétro également. Antithèse, de ton côté? On peut me rejoindre sur antythese@yahoo.ca ou gmail.com pour les commentaires, vos flames et vos suggestions pour les prochains épisodes du Antithèse Segment. Naturellement, je suis cependant plus actif, comme la plupart des accros, sur leforumdesaccrosdesjeux.com. Alors, c'est un rendez-vous. Juste un gamer de ton côté? Vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook de Juste un gamer. C'est gamer E-U-R et non E-R. Lorsque vous faites votre recherche dans Google ou sur YouTube, n'oubliez pas, c'est très important. Et donc, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page YouTube, là où toutes mes vidéos sont. Et aussi, principalement, sur le forum d'accrodesjeux.com, vous avez qu'à vous inscrire et vous pouvez même discuter avec les autres. Là. Les autres, là. Les autres, dans lui, là. C'est les autres, là. Et de mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Accrodesjeux. YouTube.com/accrodesjeux. Venez vous abonner, vous allez pouvoir voir en live les podcasts les mardis soirs ou bien nous écouter en rediffusion. On a également le Facebook des accrodesjeux, Facebook.com/accrodesjeux, le Twitter des accrodesjeux, @accrodesjeux, le site internet accrodesjeux. Je suis également présent sur le forum des accrodesjeux, je fais mon jour quotidiennement. Et j'ai également le courriel des accrodesjeux. Si jamais ça vous tente de m'envoyer un petit courriel, accrodesjeux@commercialdumel.com. Et j'ai vraiment reçu un courriel. Parlant de courriel, cette semaine, c'est quoi? Cette semaine, le courriel que j'ai reçu, ça vient de gagner de l'argent en bourse. Sujet, gagner de l'argent en bourse. Et ça lui dit, une très bonne lecture, merci beaucoup, gagner de l'argent en bourse. Hein? Ok, hein? That's it. That's it. C'est le message que j'ai reçu. Fait que, ben, merci beaucoup, gagner de l'argent en bourse. C'était très instructif. Alors, j'espère que vous avez adoré ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Soyez présents mardi prochain. Ça va être le grand retour du poste. On va faire un retour sur le G-Anime. Et si vous êtes à Gatineau, samedi 14h, on est présent live pour le podcast Live des Accros des Jeux, où on va parler de casual gaming versus hardcore gaming. Alors, c'était le Big Ben. Antithèse. Juste Gamer. Shadow QC. Arcade Rétro. Pour le podcast des Accros, merci beaucoup d'avoir passé une heure et demie avec moi, avec nous autres. À la prochaine. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye bye.